attendre lulu, aller au fond des choses, t'as voulu t'envoler au-delà des névroses. Belle âme rendez-vous, t'étais ma belle ma boule, t'étais mobile au mal, les bouts, t'as mis les bouts, t'as mis les bouts, t'as voulu t'envoler, en fait tu t'es noyé, lulu, à Malibu, jusqu'aux ces oiseaux origines. Gynécologie du gym, jusqu'aux ces oiseaux origines. Gynécologie du gym, étudiant, étudie, et tu me dis, j'ai si cartonné avec toi. T'as branché ton cœur, t'as branché ton corps, t'as branché ton corps donc sur l'amplificateur de mes nanas, de mes neurones. Jessica, t'es qui toi, t'es qui là, pour remonter aux origines. Gynécologie du gym, pour remonter aux origines. Gynécologie du gym, allô, allô, Jen, ma lumière halogène. T'es un génie en jean, moi t'as un et toi Jen. T'as le génie du jean, mais c'est pas ça la vie, Jen. La vie, ta vie, ta vie, t'es ça, trinquer. La vie t'a fait trinquer, de saquer en saquer. La vie t'a saqué, Jen, c'est ça qui t'a cassé. Jusqu'aux oiseaux origines. Gynécologie du jean, jusqu'aux oiseaux origines. Gynécologie du jean, c'est si incessant qu'on n'oubliait jamais. Cécile, elle était belle, elle avait des îles aux ailes. Mais voilà sa cervelle, a dû se faire la belle. De verre en verre de belle, et c'était plus elle. Tu ne parles plus, tu es celle qui est belle. Tu fais plus d'étincelles, Cécile, l'eau sans tes ailes. Tu es tombée aux origines. Gynécologie du jean, tu es tombée aux origines. Selon les jours rouges, selon les jours. Tu as goûté à tout tour, à tous les breuvages. Tu es allé zazazos au bout du voyage. Jusqu'aux oiseaux origines. Gynécologie du gym, jusqu'aux oiseaux origines. Gynécologie du gym, tu es tombé bébé Gina. Tombé au fond, au fond de la bibine. Au fond, au fond du bébé. Du biberon céleste, tu t'es croyé en quête. Doré, doré, doré sans funeste. La vodka de la défense n'a pas pris ta défense. Oh bébé, oh Gina, Gina vodka, t'ont renvoyé aux origines. Gynécologie du gym, t'ont renvoyé aux origines. Gynécologie du gym, t'as vu, tu t'es vu viquer. Tu as goûté tous les potages, et d'étage en étage, ton cœur volage. Volé comme un whisky tea. Whisky key, c'est le whisky key. Vicky, c'est le whisky, oh mais coca king. Ton expédié aux origines. Gynécologie du gym, ton expédié aux origines. Quand elle est plus, c'est pas de terre. c'est pomme de terre. Pour faire plaisir à maman, il faut lui chanter du vent, de la variété en bien brave, pendant qu'elle débite ses betteraves. Une chanson du genre que tu sifflottes, pendant que tu te dis tiens, j'irai bien aux chiottes. Un air à la con qui reste dans la tête, trois notes de merde qui rendent joyeux. Comme si on disait tiens, il reste du cake, comme si sur ta bagnole venait de changer les pneus. Treatment. I need Some heart. Call her back now. Goodbye, don't tear apart. this and some heart. Yeah, don't you this and some heart. Hey, go. Gone so far away. I want her back, and that's a fact. That's all I'm gonna say. Don't tear apart. Don't tear apart. Don't tear apart. This lonesome heart. This lonesome heart. This lonesome heart. This lonesome heart. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Yeah, Ed McKinnon. We are old. We are young. We are in America. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. tu crois encore au libre arbitre, oublie vite, car ils sont déjà là, contre tout. Les agents du temps manient les aiguilles dans les deux sens, et tu la fonds à l'envers, à chaque minute. Une gravure sur une pyramide, un dessin sur une roche, un nouveau texte. Ils se jouent de toi et réécrivent l'histoire à leur convenance. À ton réveil, rien n'aura changé, mais certains garderont sur eux les stigmates du temps saupoudrés de souvenirs résiduels. Et là, ils comprendront enfin ce que veut dire l'effet Mandela. Bonsoir les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, 96.2 MHz dans la région orléanaise. Et vous pouvez aussi nous écouter, vous le savez, sur le web avec radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, nouveau site, il est en construction. Bientôt vous aurez plein de photos, plein de choses qui nous expliqueront ce qui se passe dans la radio Arc-en-Ciel. Voilà, depuis le début de l'émission, on a déjà diffusé pas mal de musique. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'invité. Chaque semaine, il y a des invités dans l'émission Mavrica, mais de temps en temps, je me réserve comme ça une petite émission dans laquelle je diffuse beaucoup d'enregistrements, parce qu'à chaque fois que vous venez ici dans les studios, vous nous laissez des enregistrements, et mon devoir, c'est de les passer dans les émissions suivantes. Donc, depuis le début de l'émission, on a écouté Trans Chacal Express, un groupe que nous allons recevoir courant 2022. Hein, ça arrive, hein, c'est dans deux mois. Ils seront sûrement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans le courant du mois de janvier. On reste encore à le déterminer, mais encore, on a un petit peu le temps. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Origine gynécologique du jean. Voilà, tout un programme. Juste après, c'était Le Soupul, un groupe que nous avons reçu ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et qui nous a fait le plaisir de participer à un Mavrica Live. Le Soupul avec une chanson qui s'appelle Chanson française, dans laquelle on se moque un petit peu des chansons de variétoche. Voilà, mais en tout cas, bon, il y en a pour tous les goûts hein, dans Radio Arc-en-Ciel et dans toutes les radios. Hein. Il faut plusieurs musiques pour que tout le monde soit content. De Tanguy and Tom Trio, on a écouté deux morceaux. Alors, d'abord, I Got a Pen. Ensuite, on a écouté les Goodbye Watson avec Friday Night, un morceau tiré du Rock Set Tour en 18 étapes. Cet album qui a été présenté la semaine dernière par nos invités. Il y avait Philippe et Christophe de l'association Rock Set qui sont venus nous présenter cette compile. Elle est super bien. Moi, je me suis fait plaisir en faisant l'émission. J'ai réécouté ça le lendemain sur ma chaîne Ifi, hein, voilà, j'ai encore une chaîne Ifi, moi j'écoute pas encore tout sur un téléphone, non, je suis pas encore là. Mais bon, se faire plaisir, s'asseoir sur un canapé, écouter de la bonne musique, ben moi j'aime bien faire ça de temps en temps, donc j'ai réécouté cette compile qui est franchement bien enregistrée, avec plein de groupes que je connais et que je connais moins bien. Donc c'était Goodbye Watson avec une reprise d'un autre groupe qui s'appelle Friday Night. Donc je vous avais dit deux titres de The Twangy and Tom Trio. Donc le deuxième, bah, c'était Tore Apart. Juste après, c'était une nouveauté du groupe Angeville. Depuis un petit moment, on a pris l'habitude de vous passer un nouveau titre à chaque émission, le groupe Angeville, avec un morceau qui s'appelle Vienna de Time Machine. Juste après, c'était The Broken Glass avec Kill Your Love. Et à l'instant, c'était The Uncle Bikers avec Never Come Back. Vous êtes dans l'émission Mavrica et vous savez que ça commence à 19h et ça finit à 23h tous les vendredis. Donc on a encore plein de musique, priorité à la musique. Je vais essayer de parler le moins possible. Puis derrière, je vous ai préparé pas mal de bonnes choses. Il y a un morceau des Summer Chance, une nouveauté encore. Le morceau s'appelle... We're Wolf, voilà. Le temps que je lise, hein, voilà, il faut que je regarde sur plusieurs écrans. Mais ça se fait, hein, petit à petit. L'important, c'est d'écouter de la bonne musique. Alors, je vous conseille, comme de toute façon, le temps, il n'est pas super. Mettez-vous sur votre meilleur canapé. On a tous un canapé ou un fauteuil sur lequel on se sent bien, ou même dans votre lit, si vous voulez. Hein. Et vous mettez bien tranquillement, vous écoutez la radio, vous mettez Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz. Vous pouvez mettre fort. Hein. Si les voisins gueulent, vous rebaissez un petit peu, mais tant qu'ils gueulent pas, vous pouvez monter le volume. On est ensemble jusqu'à 22h. C'est l'émission Mavrica. long, in chaise long. Long, long, chaise long, in chaise long. C'est ça, allongé dans la rue, rien. Les landiqués au canal. Allongé à l'été. En soi, j'ai vu, on est en soi. J'ai vu ses scènes, non ses hanches, non ses jambes, non son cou. Oui, les tours, c'est ça, les tours. Les tours, oui, c'est ça, ses paroles, j'ai vu. Les trucs d'être à limite de sa terre. La vie, la vibration, c'est ça, dans les folles. Oh. La louve au coucou, c'est ça, oui. Les halos des lumières, comme minuit, c'est ça, oui. Long, long, chaise, long, c'est une chaise longue. C'est long, c'est une chaise longue. Une farandole des fins cristal gris. Installée dans bohème, bohémienne. À l'odeur de violette. Oh oui. J'ai vu, j'ai croisé vu. Beauté, écran, souffleur. Souffleur sans fin. S'ouvrez, oui, c'est ça. S'ouvrez sa main, j'ai vu. Sa main écrit, rire de l'encre. Amour, effrayement. Serrer ses bras, embrasse. Embrasser la peau, pire au plus près. Oui, c'est ça, parti. Par où, par âge, par là. Long, long, chaise, long, c'est une chaise longue. Long, long, chaise, long, c'est une chaise longue. Ma mémoire mémorise. Mémoire aime odeur, couleur, fleur. Mémoire filtre le feu, calfeutre le désir. Mémoire mémorise, murmurise. Ritualise, actualise, c'est délit, c'est le feu. Remplace mon karma, sang et devient, vient d'envie. Vie en flamme, fille, trame, tisse le feu, habilité nuit. Courant qui court. Les feuilles des fleurs de son visage. Long, long, chaise, long, c'est une chaise longue. Long, long, chaise, long, c'est une chaise longue. Où est la love, bien la love. Radio Arc-en-Ciel 96.2. Atmosphère ou vivre. toujours mieux et même davantage. N'avoir d'autre but que celui d'atteindre la cible. Comme on dit à qu'un vaillant, rien d'impossible. Et juste avec un peu de chance, juste avec un peu de chance, juste avec un peu de chance, pour faire pencher la balance. Gardez en mémoire quelques mots, quelques images, pour qu'à l'heure du grand départ, on les emporte dans nos bagages. Regardez au loin en se disant qu'ailleurs, tout peut être différent, à défaut d'être meilleur, et juste avec un peu de chance. Je ne vis plus, je fonctionne, je suis un réflexe imbécile. En rang, en ordre et à marche forcée. En rang, en ordre et à marche forcée. Je suis un rendement, un employé très sûr. Un bon petit soldat, le doigt sur la couture. En rang, en ordre et à marche forcée. En rang, en ordre et à marche forcée. Café, je peux tenir le coup et rester éveillé. En rang, en ordre et à marche forcée. En rang, en ordre et à marche forcée. Ma tête n'est jamais aux heures qui s'écoulent. Là où je ne suis pas, je fais semblant, je déroule. En rang, en ordre et à marche forcée. Thank you. encore devant la télé. Je ne fais plus l'amour. Je dors mal. Je me sens si seule. Vous laisse en compagnie de bonne musique. J'espère que tout se passe bien chez vous. Vous écoutez l'émission Maureka de 19h à 22h. Et nous écoutons des artistes qui, pour la plupart, sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Par exemple, si je commence à représenter un petit peu tous les morceaux qu'on a écoutés, on a écouté les Summer Shens avec Werewolf. D'ailleurs, les Summer Shens qui étaient venus déjà depuis quelques années. Comme il y a de l'actualité, peut-être ont-ils envie de revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Depuis quelques temps, j'ai repris un petit peu les invités dans l'émission. Donc, si vous avez envie de venir, n'hésitez pas à me contacter sur le Facebook de l'émission Maureka. Je pense que c'est le plus simple. Hein. Vous allez sur Facebook si vous l'avez. Hein. Si vous l'avez pas, après, il y a d'autres méthodes. Hein. Je vais vous les indiquer les unes derrière les autres. Donc, Facebook, c'est Maureka Albino, tout simplement. Hein. Le nom de l'animateur, le nom de l'émission. Et puis, vous me laissez un petit message en privé. Et puis, vous viendrez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter votre votre projet, votre travail que vous exécutez depuis quelque temps. Donc vous avez envie de présenter ça, bah vous venez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on organise une émission pour chaque artiste qui a envie. Donc n'hésitez pas. Donc on a écouté les Summer Shens, on a écouté Accident Instantané, hein, il est venu il y a quelque temps notre ami Johan pour nous présenter son travail, parce qu'au fur et à mesure, il vient ici dans les studios pour nous dire, voilà, moi j'avance, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc on est toujours au fait de son travail. Accident Instantané, donc avec un morceau qui s'appelle Evaporé, E-E-S, vous pouvez le voir sur YouTube, simplement, c'est un vidéoclip, hein, on va dire ça comme ça, hein, une vidéo qui a été tournée dans laquelle on le voit, il y a toute une mise en scène, c'est super bien fait, en tout cas je vous conseille d'aller le voir. Nous avons aussi écouté Bruno Bauer avec Elle la joie. Bruno qui était venu il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Franchement, une très bonne rencontre. J'espère qu'il reviendra prochainement dans nos studios pour continuer à nous parler de ses aventures, puisque c'est déjà quelqu'un qui fait de la musique depuis pas mal de temps et qui va en faire encore de nombreuses années, j'en suis sûr. On a écouté aussi Jazz Blaze avec une version qui a été enregistrée dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors de son passage il y a quelques semaines, simplement sur une chaise longue. Voilà, ça nous fait penser un petit peu au soleil, chose qui manque un petit peu sur la région orléanaise. Jack F avec un peu de chance, ça c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui réussissent tout sur un coup de chance et d'autres qui ont pas la chance avec eux, avec lequel on passe à côté de pas mal de choses. Hein. J'ai dit on, hein. Je sais pas si vous avez compris. Donc et puis à l'instant, donc à marche forcée, donc c'était notre ami Hervé Deroff, notre ami de Brest. Hein. Il est vraiment à la pointe de la Bretagne et régulièrement il nous tient au courant. Il nous envoie aussi ses enregistrements et ce morceau parlait un petit peu de la vie avec le travail qui est pas toujours évident de pire en pire. Hein, je crois que on s'améliore pas de ce côté-là et il y a des gens qui triment énormément et qui n'ont plus de vie du tout et c'est un peu le sujet qui nous a traité. Voilà. Alors, si vous avez envie de venir dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, je vous ai dit, vous pouvez envoyer un petit message sur le Facebook de l'émission Maureka. Vous pouvez aussi envoyer un mail, hein, tout simplement. On a aussi une boîte mail. Hein. On est équipé, hein, c'est ce qu'il faut. Donc, c'est maureka@live.fr. Il n'y a rien de plus simple. @maureka@live.fr. Voilà. Donc, et puis vous laissez un petit message comme quoi vous avez envie de venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis, pour l'instant, on peut pas recevoir énormément de monde, mais 3-4 personnes maximum, c'est possible. Et puis c'est super bien de passer un très bon moment tous ensemble. Voilà. Plusieurs groupes sont déjà prévus pour la semaine prochaine. Je mettrai le programme dans le courant de la semaine sur le Facebook de l'émission Maureka. Voilà. On est pareil, on est toujours bien là, on continue. Alors je propose d'écouter pas mal de musique. Donc il y a plein de trucs qui sont calés hein, en même temps. Après notre ami Hervé Deroff, j'ai passé aussi quelqu'un qui est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Franchement, quelqu'un de super agréable et qui a une très belle voix. En tout cas, c'est un chanteur, il s'appelle Willy. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle « Je suis libre ». Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Thank you.

c'est ce qu'il me plaît. Richard et ce Perret m'ont les oreilles recèlent. La puissance douce me sous la fosse. Je chante en français comme la mer de Trenet. Culture intemporelle, aussi saignant que Brel. C'est David, on est La Jarry. Vous écoutez Albino, notre pote sur Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika. suffer. Love will make you crazy. You better go away, away from here. It's hard to talk about it. It's hard to live without it. I cannot explain. I used to feel the same. You feel love for the first time, and you don't want to let it go. You feel love for the first time, and nothing really matters anymore. Nothing really matters anymore. Love will tear. Before you fall down, love is suicide. Love will break your heart. You better go away, away from me. It's hard to talk about it. It's hard to live without it. Ça fait bien d'écouter de la musique douce dans l'émission Mavrika, hein. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Donc c'était Joseph César, The Pain of Love, Joseph, qui était venu une fois dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, pas dans l'émission Mavrika, mais à l'époque il était venu dans l'émission de notre ami Sébastien. Et puis on a fait connaissance, il était revenu une fois aussi, j'ai pu le voir en concert, et il nous interprète cette très belle chanson qui s'appelle The Pain of Love. Juste avant, c'était un morceau en anglais. C'est pas souvent, mais de temps en temps on aime bien aussi écouter la Jarry en anglais. C'était Precious Time. Encore avant, c'était les Forever Claps avec un morceau qui s'appelle Forever Claps, notre ami Jean-Luc Jousse. Encore avant, c'était les Broken Arms avec l'horizon, Neutral avec My Haven, Yavanna avec Orion Lion, Lion, voilà, on va le dire Orion Lion, ou alors on le dit carrément en anglais, hein, c'est Orion Lion. Voilà, j'ai fait un petit effort quand même. J'ai décidé de faire un petit peu d'effort sur la prononciation en anglais. Donc je commence maintenant. Hein. Et encore avant, c'était notre ami Weedy avec Je suis libre. Hein. Voilà, on est ensemble encore pour. On a passé le milieu de l'émission. Donc c'est vrai que maintenant on commence à compter à rebours. Hein. Moi, je sais pas si c'est comme moi, mais pour vous, en tout cas, je sais que moi, par exemple, les vacances au début, je dis oh j'ai le temps. Et quand j'arrive à la moitié, je commence à compter à rebours en me disant voilà, il vous reste plus qu'un jour. Ainsi de suite. Donc là, il nous reste un peu moins d'une heure et demie dans l'émission Mavrika. On a encore plein de morceaux à écouter, donc je vais essayer de parler le moins possible. Et puis, moi, j'ai calé juste derrière encore un morceau très doux. Un morceau que notre ami Morgan nous a demandé. Morgan, c'est le chanteur du groupe Jartel. Donc, on va écouter un petit Jartel. Et en plus, un morceau que j'adore, hein, que j'ai déjà diffusé pas mal de fois dans l'émission Mavrika. Il s'agit des yeux rouges. Voilà. Encore plein de bonne musique, hein. Je suis en train de vous les sélectionner au fur et à mesure. Le programme, il est sur le Facebook de l'émission Mavrika. N'hésitez pas à aller le consulter. S'il y a un morceau que vous avez aimé, ben, il y a tous les titres dessus. Donc, il n'y a pas de souci. Après, vous retrouverez sans souci quel est l'artiste et quel est le titre de la chanson. On écoute tout de suite Jartel avec Les yeux rouges. Sortis au drapeau carmin, les passionnés, les pathétiques, qui bien souvent ne font qu'un, même le plus futile d'entre eux, peuvent hanter jusqu'au matin, les yeux rouges, les yeux, les yeux. Par le temps qui vous attrape par les tripes, vous embarque dans leur tournant. C'est pas demain pour eux le printemps. Les yeux rouges, les yeux, les yeux. Et ceux des premières amours qui nous rappellent comme on est vieux. Pour peu de rire ou bien de larmes, ils nous embarquent Happening to you. If I look hard enough into parle sans gêne, c'est que les réseaux sociaux nous rendent un point schizophrène. En vrai, tu ne peux pas blairer cette fille qui ne fait que montrer ses vacances à l'autre bout du monde et qui l'affiche chaque seconde. Tu aimes chacune de ses passions, pour les cupcakes et la broderie de ta meilleure amie canon, dont la vie est une anarchie. À la rigueur, ouvre les yeux, éteins ton tel et ton ordi. Tu verras, tu te sentiras mieux et tu connaîtras la vraie vie. N'est pas la vacuité totale ou la gloire au capitalisme ou bien le néant cérébral. À la rigueur, ouvre les yeux, éteins ton tel et ton ordi. Tu verras, tu te sentiras mieux et tu connaîtras la vraie vie. De ceux qui vivent dans le passé, je suis même plutôt équipé et gros addict au quotidien. Mais demander qu'est-ce que tu prends avec quelqu'un en tête à tête et finir sa phrase dans le vent, et ben c'est con mais ça m'inquiète. Surplus de miséricorde face aux pustules qui pullulent, polluent les âmes et les esprits. Dire que jusque-là c'était les mêmes qui douillaient. Pêle-mêle, j'ai pile par pile de mille. Les poils du mal sur tous ces mâles en mal de miel. Ciel, Seigneur, veille sur tous ces gens ignorants et malveillants envers leurs voisins. What was hidden has revealed to the soul. Just too hard. cause ashes are falling down from this big gray sky. It's been raining fire and hell all night long, and now we woke, but only God knows where. Crossfire from ISIS and the coalition brought down to the ground my house and possessions. Somewhere in the rubble lies my father and my son. Couldn't take the time to look, took my wife and my daughter, and now we're gone. Shelterless, shelterless, we are shelterless. Staying in, but the price we had to pay for this could have been bigger. At least it is what I tell my wife. Wait, where is my daughter? A storm is coming while she stirs the water from above. So just before a wave hits us, I catch the little dove. As the barge goes upside down, I'm saving both our lives. But when we reach to the surface, I said, did someone see my wife? We are here. And a Frenchman starts yelling. German dogs out with their fangs, the alarm starts to ring. Wakened by the symphony, my daughter starts to cry. And as she does, she says, Daddy, is this how we gonna die? Thank you. c'est le groupe Hype Me avec Deep Blue Eyes. Juste avant, c'était Mess avec Sans Papier. Encore avant, c'était Utopique Combo avec 70s Fred Groove. Les Skawaks avec Réseaux Sociaux. Et on avait commencé cette série avec Dirty Charlie, Painted Black. On va quand même remonter un petit peu plus. Et juste avant, c'était Prisma avec Rock Now. Vous êtes dans l'émission Maverica. Merci de nous écouter. Ça nous fait vraiment plaisir sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz. Et on continue avec un morceau que j'aime beaucoup aussi, qui fait partie de la compile. Ça fait déjà le troisième morceau que je vous passe de cette compile. La semaine dernière, ils étaient là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Philippe et Christophe sont venus nous parler de la Roxette Tour en 18 étapes. Alors ça, c'est un CD vraiment qu'il faut avoir avec les meilleurs groupes de la région blésoise. Voilà, c'est 50 km d'Orléans, tout simplement. Donc, on peut le dire encore à nouveau, Orléans, c'est la banlieue de Blois, comme Paris et la banlieue d'Orléans, hein, tout simplement. Hein. Donc, on va écouter un autre morceau que j'aime beaucoup. C'est la reprise d'un morceau des Chili Dogs qu'on diffuse assez régulièrement, qui s'appelle Something Must Change. Et le morceau que je vous propose d'écouter, c'est celui-là, mais repris par les Health Trowel. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Maverica. shaker, shaker. battre mon cœur comme quand j'étais gamin. Ça ressemble à du bonheur, quelque chose de très bien. C'est une douce chaleur comme un joli parfum. Un bonbon, une douceur, une tendresse, un câlin. C'est comme un bouquet de fleurs, un soleil du matin. Je n'ai plus besoin de docteur, je me sens super bien. Si je dis ça, c'est que je t'aime. Et peu importe ce qu'on dira, je t'aime et t'aimerai quand même. J'en fais ma force, j'en fais ma loi. Si je crie ça, c'est que je t'aime. Et peu importe où l'on ira, je t'aime et t'aimerai quand même. J'en fais ma force, j'en fais ma loi. Je crie ça, c'est que je t'aime. Et peu importe où l'on ira, je t'aime et t'aimerai quand même. J'en fais ma force, j'en fais ma loi. ce calvaire, sous ton aile tout semble serein. Sur moi ils ont versé colère, piqué mon âme de leur venin. Ils m'ont fait mordre la poussière quand j'ai crié à l'assassin. Ils pourraient vouloir me faire taire, repousse-les dans le ravin. Tu lances tes paroles en l'air. De quoi sera fait demain? Je pourrais tomber dans leur piège, que tu me lâcherais jamais la main. Je te cacherai le florilège des sentiments qui sont les miens. Défends-moi, défais leur manège et fais tomber leur fantassin. Tu lances tes paroles en l'air. Car il est des amours sincères qui disent au revoir, défont les liens. Dans ton plaidoyer solitaire, dansent les mots, tu me dépeins. De la plus belle des manières, je me blottis dans ton refrain. Tu lances tes paroles en l'air, tu colores la terre. Sans loin, mes mains sonnent le tocsin. Tu lances tes paroles en l'air, tu colores la terre. Sans loin, mes mains sonnent le tocsin. Comme des livres dont les pages tournent à chaque jour qui défile, sur lesquels se décrivent les saveurs, les rancœurs, tout ce qui sort du cœur. Chaque encre est unique et particulière comme un ADN, unique forme et style de caractère. D'une main invisible, on compose, on esquisse, on souligne ou rature, on efface ou déchire. Alors combinons nos couleurs, découvrons les saveurs, même pour quelques heures. Poser sur nuancier, autant s'aventurer, aux teintes qu'elles vont porter. Laissons l'encre couler.

think I can't bear this pain. I think I can't bear this pain. I think I can't bear this pain. I think I can't bear this pain. I think I can't bear this pain. Enregistrer ma chanson, s'il te plaît. C'est hors de question. Vincent, si j'enregistre pas ma chanson maintenant, je le dis à tout le monde pour le chou-fleur anatomique. Bon, vas-y, mais vite. Hein. C'est parti. Thank you. passe, petit oiseau, par la cheminée. Arrête de te cogner la tête. Mon petit oiseau, quelle drôle d'idée de te fracasser sur la fenêtre. Le petit oiseau va bientôt mourir. C'est bien triste, mais c'est comme ça. C'est vrai que la fenêtre, je pourrais l'ouvrir, mais dehors il fait un peu froid. Sors, petite souris, de ta maisonnette, je t'ai apporté du fromage. J'ai oublié de te dire, au bout il y a une tapette, ma petite souris, comme c'est dommage. La petite souris va bientôt mourir, c'est bien triste, mais c'est comme ça. C'est vrai que la tapette, je pourrais l'ouvrir, mais j'ai peur de me pincer les doigts. Cours mon petit chien, après la baballe que j'ai réussi à te lancer. De l'autre côté de la nationale, ça fait plus de place pour galoper. Le petit toutou va bientôt mourir, c'est bien triste mais c'est comme ça. C'est vrai que le camion aurait pu ralentir, oui mais la nuit il ne le voyait pas. Viens petit chaton, te sécher un peu, arrête de tourner en rond. Tu sais petit chaton, ce n'est pas très sérieux de boire toute cette eau et ce savon. Le petit chaton va bientôt mourir, c'est bien triste mais c'est ainsi. C'est vrai que la machine, j'aurais pu l'ouvrir, mais l'essorage n'était pas fini. Solo. Viens ma petite sœur, jouer avec moi. Papa et maman sont sortis. Allez, viens, n'aie pas peur, j'ai plein de jeux sympas pour pouvoir tuer l'après-midi. Pour pouvoir tuer l'après-midi. Pour pouvoir tuer l'après-midi. il est 22h et l'émission Mavrika est terminée. Hein. Voilà, on va, il y a encore un morceau qui est calé. Ce que je voulais juste dire, c'est prendre congé de vous, hein, puisqu'on a passé 3 heures ensemble. D'ailleurs, j'ai même pas vu la pendule. Je regardais, j'ai dit, tiens, c'est déjà l'heure. Eh ben oui, c'est la fin de l'émission Mavrika. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous savez que j'ai plein de musique à vous faire, à partager avec vous, plein de morceaux à vous faire découvrir, plein de bons artistes, voilà, qui ne sont pas aussi connus que j'aurais aimé, moi. En tout cas, nous, moi, je continue à les diffuser dans l'émission Mavrika. Alors, depuis tout à l'heure, on a écouté quand même pas mal de bonne musique. Alors, je suis en train de regarder en même temps tous les titres parce qu'il y en a eu pas mal. Donc, il y a eu Hype Me avec Deep Blue Eyes, un groupe qui est venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelque temps et qui devait participer à un Mavrika Live, mais malheureusement, ça s'était pas fait. Bon, peut-être prochainement, vous les sélectionnerez pour un prochain Mavrika Live. On en reparlera d'ici là. Les Hellstrowel avec Something Must Change, le morceau des Chili Dogs repris par un groupe qui envoie du lourd. Juste après un groupe qui envoie encore plus de lourd, je dirais, la France. Franchement, ils nous ont fait sursauter. C'était les Last Avenue avec Fear to Stay. Encore après, les Orphan Black avec Midnight. Zbla avec Land Shaker. Alors voilà, Last Avenue, ils sont déjà venus. Orphan Black, ils sont déjà venus aussi. Zbla aussi. Les Thérèse Électrique avec Facile. Thérèse Électrique, bien sûr, ce sont des amis à nous. Donc, ils reviennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel quand ils veulent. David McLean avec Si je dis ça. David, bah oui, lui, c'est un habitué. Il était même chroniqueur pendant quelques années dans l'émission Mavrika. Et puis, s'il a envie de revenir, il n'y a pas surtout aucun souci. Duke Landos Rock, Duke aussi, qui devait faire partie du Mavrika Live, qui a été annulé, il devait faire l'interplateau, mais en tout cas on garde le contact et puis ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouvera dès que c'est possible, ou dans les studios ou en concert, ou alors au hasard d'une sortie, hein, parce qu'il faut sortir, il faut aller voir les groupes qui sont en concert, et je sais que en ce moment il y a pas autant de monde qu'on voudrait, les gens ont encore un petit peu peur. Allez-y au concert, faites attention quand même, il y a des gestes barrières à respecter, et puis après ça se passe bien, il y a pas de souci, hein. Donc Duke avec Landos Rock, Arrigoni et Georgia Pouliquin avec Défends-moi, Mourad avec un super morceau qui s'appelle Nuancier, Back to the Day avec Broken. Alors voilà, tout ça, tous ces groupes, Arrigoni est déjà venu, Georgia aussi, ils sont venus séparément d'ailleurs. Mourad aussi, bien entendu, il est déjà venu à plusieurs reprises dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Back in the Day aussi, avec le titre Broken. Greg Lucas, il était venu aussi dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Tonight. Les Vilaines Choses, encore des amis à nous. Les Vilaines Choses avec la vilaine chanson. J'avais gardé pour la fin, c'est un petit peu d'humour, hein. Il faut prendre ça second degré. En tout cas, nous, on aime beaucoup les vilaines choses et leur humour. Léo, on a eu le plaisir de le recevoir aussi. Et puis, elle revient ici dans les studios quand elle veut. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Dusk to Dawn. Et on va terminer avec un artiste qui est pas de la région, hein. Je sais qu'il c'est un guitariste professionnel. Et puis, il a fait donc son propre album. Il joue avec de grands artistes. Et c'est aussi un ami de notre ami Hervé Desrocs, donc les amis de nos amis sont nos amis. Il s'agit de Paul Galliana. Le morceau avec lequel nous allons terminer cette émission s'appelle La Pioche. Et ce que je voulais dire avant, c'est, on va dire les phrases magiques, que le rock and roll soit avec vous, everything is gonna be alright, et une vie sans musique serait une erreur. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h sur les mêmes ondes, hein, 96.2 MHz, c'est Radio Arc-en-Ciel, la radio avec plein de couleurs différentes, et nous on est une des couleurs. Déjà on a beaucoup de nuances, hein, déjà dans l'émission Mavrika. On passe beaucoup d'artistes avec des styles différents, et à partir du moment où c'est bon, on prend beaucoup de plaisir à les écouter. Donc je vais vous laisser en compagnie des autres animateurs samedi, dimanche, lundi, mardi, etc. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end prolongé en plus, hein, profitez-en. En plus, il va pas faire très beau, donc écoutez Radio Arc-en-Ciel. Et puis on se donne rendez-vous à la semaine prochaine, donc après une très bonne semaine que je vous souhaite aussi. Et voilà, cette émission est terminée. Il y a beaucoup de petits messages. Merci. Ce que je vais faire, j'avais envie de le faire et je vais le faire en direct live. Je vais vous dire merci à tous les gens qui m'ont laissé des petits messages sur le Facebook. Donc à William, à Jack, à Jean-Luc, avec aussi notre ami Polo, Willy, Fabien, Aurélie, Alain, Laurent, David. David, Gabriel, Dom, Raymond, Philippe, Philippe encore, hein, Phil Twangy, hein, que nous avons diffusé à deux reprises dans deux morceaux, ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika, et puis il viendra très prochainement, il nous l'a promis, nous présenter le nouvel album, ça sera pour le printemps 2022, on s'approche de 2022. Christian et Bruno, voilà, ça c'est tous ceux qui nous ont laissé un petit message, ça nous fait toujours autant plaisir, et j'ai dit tout le monde qui a laissé un petit message, et puis n'hésitez pas, à Christophe aussi, je risque d'en oublier, mais vous inquiétez pas, hein, je pense à vous tous, ça me fait vraiment plaisir, surtout que j'en connais beaucoup parmi les auditeurs, j'ai vraiment cette chance-là. Je regarde les derniers messages aussi, s'il n'y a pas autre chose, voilà, il y a plein de choses qui se passent en ce moment, bon, je répondrai à tous vos messages, n'hésitez pas, et puis si vous avez envie de m'envoyer les morceaux, comme j'ai dit sur le Facebook aussi, n'hésitez pas à les envoyer sur le mavrika@live.fr, on les écoutera, et puis on les diffusera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et si vous avez envie de venir aussi partager votre musique, n'hésitez pas, Radio Arc-en-Ciel est fait pour ça, et l'émission Mavrika aussi, nous aimons beaucoup avoir des invités qui viennent défendre leur travail. Voilà, cette émission est terminée, je vous souhaite donc une bonne soirée et à vendredi prochain. Ça sent bon. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. Y avait autant de couleurs que dans la cour, l'école. Les peaux mélangées, les fleurs folles. Oh. D'accord, papa, il faut que je me lève. Les maths, l'histoire. Mais je pose un marque-page à mon rêve. Ce soir, je le reprendrai vite, dès que mes yeux se feront lourds. Et si mes nuits sont trop petites, mon rêve deviendra le jour. Et en ressortant de mon lit, je sais où j'en suis. Hier soir, j'ai mis marque-page à ma vie. Et je me lève en deux secondes. Papa, promis, si tes mains ont mis un marque-page à ton monde, moi je le reprends demain. Moi je le reprends demain. apôtres. On ouvre un œil et le café, ça donne en l'avalant la folie d'ouvrir l'autre. On se rase ou maquille, on se savonne, on s'invente une tête pas trop moche. On sort de chez soi chaussé, l'heure sonne, on se dépêche, on manie pas la pioche. On prend la pluie, les plaques plein les bottes, le bruit, le gaz et le vent dans la face. On poinçonne, ticket, on navigote, petit coude dans les côtes, tout se tasse. Parfum de frais, parfum de dame frais, l'après-rasage, lavande de poche. Les mains pas fraîches au cul des demoiselles, retour sur face, on manie pas à la pioche. Trottoir, immeuble de verre et de glace, ascenseur, moquette, clean, les pieds déposés, flash, et rien ne dépasse, ce n'est pas la mine. Et se charger des chiffres qui chiffonnent, chauffer les écrans sur la version TEF. Chercher trois sushis pour un déj à vote, se faire chauffer par un petit chef. On follow nos familles au bout d'un fil, l'ado qui râle ou l'ex qui s'accroche. À l'étroit dans nos costumes dociles, on se dit qu'on ne manie pas la pioche. Chemise étroite et les robes froissées. D'autres mains sales au cul des demoiselles, mains emmêlées, moches, moites, amassées. La bouche du métro vomit sa foule, on se faufile, la maison s'approche. Au fond d'un fauteuil, on s'appale en boule, rien ne s'appelle. Esta segunda hora do nosso serão. Vamos a isso. Começamos então com Sei Lá. É o título da música.